La conférence identifie les manifestations du contact. La meilleure façon de voir comment le contact se manifeste, c'est en plaçant une situation où, égoïquement, vous avez un certain contrôle, qui est, entre autres, d'affirmer. Vous allez affirmer sur le vide, puis vous allez avoir à vivre le constat ou à vivre le vide de votre affirmation. Ça va être deux choix. Bien, pas deux choix, mais deux possibilités. Quand une personne affirme, puis qu'elle est dans un mode réellement affirmatif, elle ne connaît pas encore la conséquence de son affirmation. Elle est simplement dans l'état d'affirmer. Quand elle fait un constat, c'est sa mémoire qui ramène en avant l'action et ses conséquences passées. L'action qui a été faite il y a 5 ans, 2 semaines, 1 journée, il y a 2 heures, avec ses conséquences. Et là, elle va affirmer quelque chose. Elle pense qu'elle affirme, mais en fait, elle fait un constat. Ça, vous ne verrez jamais rien là-dedans. Vous ne verrez jamais de double se manifester dans de la mémoire. Le double peut se servir la mémoire, mais il ne peut pas se présenter au travers d'une mémoire. Donc, vous allez toujours avoir une reconnaissance d'un mouvement du double sur du vide. Il va toujours falloir, si on regarde ça d'un point de vue de l'ego, il va toujours falloir que vous soyez capable de prendre un risque. Les gens qui ne prennent pas de risque, jamais de risque, Ils sont enterrés dans une dompe de peur. Et puis, dans ce climat de peur-là, tout est bloqué au niveau des manifestations psychiques pour donner soit une bonne ou une mauvaise direction à une dynamique de vie pour aller dépolariser. La dépolarisation, c'est la clé de la conscience. Quand on dit la dépolarisation, on parle, pour vous mettre ça bien, bien basique, le découragement et l'enthousiasme. Ça, c'est des extrêmes qui sont faciles à vérifier dans les états d'âme des gens. Si vous êtes encouragé à outrance, vous allez être extrêmement enthousiaste. Si vous n'avez pas un élément négatif dans votre vie pour vous rebalancer, vous allez, à un moment donné, dilater au point de ne pas être capable de contenir la forme. De toute façon, les événements de la vie vont vous ramener à une charge négative. OK? Donc, une charge négative ou un événement négatif peut être bon pour faire atterrir quelqu'un qui vit quelque chose d'excessivement positif. Au même titre que si vous êtes exceptionnellement découragé ou décourageable, il vous faut être entouré de gens extrêmement dynamiques ou d'événements extrêmement dynamiques qui vont rehausser votre état psychologique, votre état émotionnel, pour vous remettre sur une zone relativement neutre et peut-être vous emmener à un certain niveau d'enthousiasme. Il y a des gens qui sont nés découragés, qui sont décourageants à regarder vivre, puis s'ils ne sont pas entourés de gens substantiellement dynamiques, c'est des gens qui s'en vont direct vers un suicide. Donc, ces gens-là tiennent par le dynamisme des autres. Puis là, on va dire pourquoi qu'ils existent? Bien, c'est pour neutraliser l'enthousiasme de certains qui les entourent. C'est leur fonction d'être des casse-pieds. OK? Le double travaille à travers ça, la dépolarisation. Et vous êtes un vecteur, selon votre fonction, vous êtes un vecteur, féminin ou masculin, pour rentrer dans la vie des gens, sans le savoir, pour créer et engendrer une dépolarisation, toujours sans le savoir. Tout ce que vous affirmez, ça fait simplement faire apparaître une vision ou faire apparaître un mouvement qu'on pourrait qualifier de futur de votre fonction dans le rapport que vous avez avec l'événement. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de la vérité de votre affirmation, puisque c'est déjà su pour vous autres que ce n'est pas vous autres qui pensent. Je sais que vous ne vous en rappelez pas, mais c'est ça pareil. Ce n'est pas vous autres qui pensent. Donc, quand vous affirmez, vous vous donnez l'occasion de traiter ou de vibrer de la vision d'un événement. Pas de votre avenir, d'un événement dont vous allez faire partie et dont vous faites partie et dont vous êtes obligé d'en faire partie. Merveilleux, n'est-ce pas? Parce que vous ne pouvez pas avoir des pensées qui ne collent pas avec votre programmation. Inquiétez-vous pas de dire les choses que vous pensez, que vous vibrez, que vous sentez, parce que c'est partie intégrante de vos cellules, de votre sensibilité, de votre émotivité, de votre intellect, de tout ce que vous pouvez imaginer qui vous habite. Donc, quand vous le parlez, vous vous donnez l'occasion de le voir. Là, vous dites, ça sert à quoi de le voir? Ça sert absolument rien d'autre que de le voir. Parce que dans un premier temps, de voir, pour certains, ils vont dire, si ça ne change rien, si l'événement se produit, j'ai maudant pas le savoir. C'est juste que, je ne sais pas, moi, quand un maringouin me pique, j'aime bien ça savoir où ce qu'il est rendu. Parce qu'il y en a peut-être un autre à côté, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis que si je finis par savoir d'où ils viennent, je peux peut-être me protéger contre l'envahisseur. Si vous êtes exposé à des événements qui se répètent continuellement, vous avez tous des traits de caractère qui font qu'à un moment donné, vous avez comme, tu sais, on va dire que quelqu'un, il est prévisible. Si tu y offres telle chose, il va toujours dire non. Ou si tu y offres telle chose, il va toujours dire oui. Il s'agit de savoir comment peser sur le piton. On est très, très prévisible quand on est dans l'ego. Très prévisible. Il y a des gens, là, tu sais que si tu lui dis telle chose de telle façon, ils vont toujours agir de telle ou telle façon. Donc, l'ego est prévisible. Qu'est-ce qui peut changer la prévisibilité d'un ego? C'est son esprit. Un esprit peut lui faire faire des choses qui ne sont pas prévisibles par d'autres égos qui ont été habitués à vivre avec quelqu'un. Donc, votre évolution, si on le regarde d'un point de vue karmique, elle est prévisible. On pourrait dire, bon, ben, telle personne, elle a agi de telle façon dans sa vie, elle a fait tel placement, puis elle vit à tel endroit, donc elle va mourir de même, ou elle va faire sa vie de même. Puis les seules surprises qu'il va avoir dans sa vie, c'est ce que l'esprit va avoir voulu faire avec. OK? Donc, quand vous êtes capable d'affirmer, vous avez l'occasion de voir ce que l'esprit veut faire avec vous autres. Ça permet à l'esprit de vous surprendre, puis comme il y a une étape 2, ça vous permet d'agir, puis de vous surprendre. Parce que l'action que l'ego fait, il est répétitif et mécanique, tandis que l'action que l'esprit vous fait faire, c'est toujours une boîte à surprises. À un point tel que vous ne pouvez même plus prédire ce que vous allez faire, parce que vous savez que votre temps va toujours être meublé par les forces, donc par eux autres, et que vous avez juste à être en stand-by de ce qu'ils vont vous mettre en vibration pour vous pacter une journée, pacter une semaine, pacter un mois. Tandis qu'un ego, lui, va planifier sa semaine, son mois, son année, puis il va essayer de s'enrégimenter à faire les choses qu'il a marquées sur une feuille de papier, puis à ne pas déroger de ça. Là, il va dire, j'ai du focus. Tu n'as pas du focus. Tu as de l'entraînement. Tu as simplement été entraîné à faire les choses mécaniquement. Moi, je dis souvent aux gens, si vous étiez capable à la bourse d'être mécanique, vous pouvez faire 1 million par année. Mais je sais très bien que vous ne pouvez pas être mécanique. L'esprit va vous faire un petit shortcut à un moment donné, puis elle va vous faire vivre d'autres choses que ce que la mécanique devrait pouvoir vous donner comme résultat. Puis le résultat va être biaisé par le simple fait que l'esprit est là pour vous faire vivre d'autres choses, parce qu'ils savent que vous avez besoin plus de vivre telle chose que d'être riche. Ah, là, vous voudriez faire un choix. Vous diriez, bon, là, je vais être riche, puis quand je vais être riche, je vais décider, moi, de ce que je veux vivre. Non, l'esprit ne permet pas ça. Merveilleux, n'est-ce pas? Fait que votre logique égoïque, elle a une direction qu'elle peut écrire dans son agenda. Puis, la vision de l'esprit, elle sait comment vous allez mourir, puis elle s'arrange pour que d'ici à votre mort, vous soyez plus intelligent que quand vous êtes né. Plutôt que d'être simplement des pantins entre les mains des jeux de l'âme astrale qui vont vous faire répéter des éléments là, mécaniquement jusqu'à la fin de vos jours. Tu sais, métro, boulot, dodo, là, vous regardez la vie de tout le monde, ça finit tout le temps par s'acheter une maison, s'acheter une auto, penser à changer son modèle après tant de temps. Puis quand on pense que ce qu'on mange, on mange du bœuf, du poulet, du poisson, des céréales. Puis avec ça, il faut s'amuser avec ces quatre ingrédients-là toute notre vie à penser qu'on mange des choses différentes. M'a dit, moi, j'ai décidé que je mettais de l'eau dans mon frigidaire, puis que je pouvais m'acheter un baril de poulet, un baril de bœuf, un baril de céréales, puis c'était correct là, pour un an. Pour ça, changer les idées, tu mets de la sauce dedans de temps en temps, puis tu mets ça avec du riz, ou tu mélanges du bœuf avec du poulet, pour faire des variantes. Mais tu manges toujours la même affaire, tu te viens, oui. Et ben, fait qu'on a une vie plate. La seule façon de ne pas avoir une vie plate, c'est d'avoir les surprises de l'esprit. Puis pour avoir les surprises de l'esprit, il faut que tu laisses se manifester ce qui est aussi vivant que la vie, donc l'esprit, c'est en affirmant. Quand est-ce que vous vous épatez dans la vie? C'est quand vous faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Puis quand est-ce que vous décidez de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait? C'est quand vous vous dites « je suis capable ». Puis quand est-ce que vous êtes sûr que vous êtes capable? C'est quand vous vibrez que vous êtes capable. Vous ne l'avez pas fait encore. Vous commencez juste à le vibrer. Okay? Moi, je vais poser de la tuile chez nous, la tuile en porcelaine. Je n'ai jamais fait ça. Ça m'occupe à plein temps, là, depuis 3 semaines, juste à penser comment je vais le faire. Puis je ne l'ai pas fait encore. Mais je le vibre. Si je ne le vibrais pas, j'engagerais quelqu'un à 15-20$ de l'heure. Je dirais, veux-tu faire ça, s'il vous plaît? Mais le fait de le vibrer, ça me fait faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Puis je ne l'ai pas fait encore. Mais je suis sûr que ça va être bien fait. Puis je le vibre bien gros. C'était assez qu'à un moment donné, je suis rentré dans un magasin, puis j'ai dit, « Hey, sont-tu belles ces tuiles-là? Je vais faire ma table avec ces tuiles-là. Je vais me prendre une toupie, je vais groover ma table, je vais mettre des tuiles dedans. Je vais le faire, mais cet été, parce que ça fait bien de la poussière. » C'est rendu que tu le vibres pas à peu près. Puis si je le vibre trop, je vais vous offrir la job. Je vais vous faire vos tables de cuisine avec des tuiles. Je vous dirai votre tuile. Je vais vous groover vos tables de cuisine, puis je vais vous mettre de la tuile dedans. C'est ça, une vibration. C'est des affaires qui sont folles pour l'ego, mais qu'une fois que tu l'as fait, tu dis « Wow! Je l'ai fait! » Fait que, engagez-vous dans les forces, c'est simple comme affirmer. T'affirmes, puis là, tu dis, ouais, ça, je vais faire ça. Puis là, tu regardes si tu le vibres. Puis inquiétez-vous pas de savoir si vous êtes capable. Essayez juste de voir dans votre affirmation si ça vous punch, si ça vous fait vibrer. Occupez-vous pas des mots, occupez-vous pas d'être jugé, occupez-vous pas d'être vrai. Dis, ah, ben, tu l'as dit l'autre fois, tu l'as pas fait. Je l'ai dit l'autre fois pour savoir si je le vibrais. Moi, j'ai une façon de faire. Je me souviens d'une de mes amies qui, ben, en fait, Nicole, mon ex, elle dit, moi, les poches, j'aime ça. Je dis, les poches, tu t'aimes ça vraiment ça, là? Ben, je m'attends à faire essayer une après-midi. Fait, j'ai été chez un gars qui faisait des réparations de poches. Je dis, t'as-tu un gars là, qui a un test à faire sur une poche? Bon, il dit, il y a un char du client là, qu'il faut essayer, là. Bon, ben, écoute, je donne 20 piastres, là, puis il va y faire une ride en même temps qu'il va essayer le char. Il dit, OK. Il a 20 piastres au gars, il a fait faire une ride. Elle dit, c'est pas compliqué avec toi, hein? Je dis, non. Il s'agit juste de le vibrer. Après ça, c'est une affaire d'organisation. Fait que la dynamique d'une personne qui est logique, c'est très, très difficile de voir les manifestations du contact. Elle va le voir à travers d'autres qui vont la surprendre. Elle va dire, ah, elle a fait des affaires qui sont pas... c'est pas normal. Fait que là, elle va être en mode observation, mais il se passera jamais rien dans sa vie. Fait que les manifestations vont être des événements qui se passent. Elle va arriver dans une zone de crise, là, puis elle va se faire sauver une extrémiste. Elle va dire que c'est un miracle. Alors qu'un miracle, c'est l'expression de l'esprit. Quand vous avez un miracle dans votre vie qui se répète souvent, que votre ego ne peut pas gérer ça, puis que c'est géré, là, tu sais, genre, ils ne veulent pas que tu meurs de suite, là, ou ils ne veulent pas que tu sois en faillite, ou ils ne veulent pas que, tu sais, ils ne veulent pas tout ça à faire, les forces. Ça se manifeste dans le fait, non pas qu'ils te protègent, mais dans le fait qu'ils te laissent le temps de faire des prises de conscience. Fait que plutôt que de te battre, pas que tu t'enlèves, ils te sonnent un peu juste pour que tu comprennes. Comprenez-vous la différence? Parce que, si vous êtes une matière à rejet, au premier virus, vous allez mourir. Au premier choc, vous allez casser. Vous ne serez plus utilisable. Mais quand il vous donne assez d'avertissements pour que ça soit illogique et profondément par hasard, là, tu sais, ça devient tout le temps des par hasard, donc miraculeux dans un sens, mais là, vous avez affaire à regarder. En général, les gens regardent la vie des autres. Ils regardent rarement leur vie. Parce que, on dirait, je ne sais pas pourquoi, c'est plus facile de regarder la TV que de jouer dans un film. C'est baveux un peu, mais vous êtes tous acteurs. Vous êtes les acteurs, les actrices de vos vies. Quand vous prenez conscience que vous faites un film, puis que quand vous allez voir des films, puis que vous le trouvez bon, c'est votre vie que vous voyez là, avec des variantes dans la forme, mais que ce qui se dégage du film ou ce qui se dégage de la vibration du film, ça vient vous rejoindre, c'est parce qu'il y a un petit peu de vous autres qui est dedans. C'est ça qui fait qu'un film est bon. Si le film est bon, c'est un petit peu ton miroir, ça veut dire que tu es un peu comme dans le film, donc tu as ton film qui ressemble à ça, mais qui n'est pas copié intégralement là-dessus. Ce film-là, quand il est bon, c'est parce qu'il y a des imprévus. Si au début du film, dans les premières 10 minutes, c'est la fin, il n'est plus drôle ton film. Fait qu'un bon film pour vous autres, il y a un effet de surprise dedans. On est d'accord là-dessus? Bon, bien, votre film, vous pouvez le lire, le scénario, en affirmant. Vous pouvez connaître le scénario de votre film en affirmant. Donc, vous allez dire, c'est simple de même? Eh oui, c'est simple de même. Mais essayez d'affirmer. À cette heure que je sais que c'est difficile pour vous autres, ça me fait rire. Affirmer, c'est quoi? C'est dire tout ce que tu veux, tout ce que tu veux être, puis tu vas te rendre compte que dans ce que tu veux être, ça sort tout le temps de ta mémoire. Et que ça, c'est pas de l'esprit. Ça, c'est de l'âme. OK? Vous autres, c'est pour ça que vous voulez avoir. C'est pas le film dans sa partie, genre, il faut qu'il y ait du sexe puis de la violence. Vous voulez savoir c'est quoi l'histoire? C'est comme Harry Potter, c'est quoi l'histoire? C'est bien beau le balai, là, mais à un moment donné, c'est quoi l'histoire? Puis là, c'est l'histoire que vous voulez avoir. L'histoire, c'est pas les affaires qui se répètent d'un film à l'autre. C'est le scénario, là, c'est comment que ça se passe dans votre vie. Là. C'est quoi la particularité de votre être dans son mode d'affirmation imprévisible? Qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie qui va sortir du commun? Faire de l'argent, tout le monde fait de l'argent. Bon, faut que vous ne sortez pas du commun. Faire plus d'argent que les autres, ça ne vous sort toujours pas du commun. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui en a plus que vous autres. D'ailleurs, les gens les plus riches, c'est les héritiers. Parce qu'ils sont toujours plus riches que celui qui a travaillé pour l'avoir. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose de spécial dans votre vie. Qu'est-ce qui pourrait être spécial dans une vie? Que c'est métro, boulot, dodo. Tu sais, tu prends le métro tous les jours, tu manges toujours le même petit snack, tu as des petites variantes. Des fois, c'est poulet aux ananas, poulet à l'orange, poulet cajun. Puis tu peux manger du poulet avec différentes recettes, au moins une quarantaine de plats différents. Puis après ça, après 40 fois, tu recommences, hein? Qu'est-ce qui pourrait être différent? Qu'est-ce qui pourrait sortir ton poulet cajun que ça fait 242 fois que tu manges de l'ordinaire? Qu'est-ce qui, dans votre vie, va faire que votre vie va être extraordinaire? Je sens que je vais être obligé de vous donner la réponse. Il n'y a aucune personne qui va se lever debout pour dire « Je sais, je sais. » Ben, le double. On n'est pas obligé d'avoir le double quand on mange du poulet, là. L'échange, mon Dieu, hein? Tu vois, il y en a de plugués dans ça. C'est bon, ça. C'est l'échange. C'est le avec qui ou avec quel événement que tu manges ou que tu vis les choses normales qui fait l'anomalie de votre vie. On est d'accord là-dessus? Tu manges ton petit Chris d'hamburger de chez McDo avec le premier ministre Martin qui vient de passer dans la ville. Fais-toi sur moi, tu vas t'en rappeler cet hamburger-là. Parce qu'il va y avoir une dynamique qui s'installe. Si c'est pas un personnage célèbre et connu, ça peut être simplement l'événement que vous allez vivre là. Il y a un hold-up dans le McDo. Hey, t'es en train de manger un hamburger. Pas parce que t'as faim, parce que t'es angoissé, tu stresses, puis il faut que tu manges pour te calmer l'air. Un autre événement spécial. C'est les choses qui font que vous êtes obligé de vous dépasser dans les formes standards de vie qui font de votre vie une vie qui est de l'esprit. Du monde, des fois, qui me disent, pas tenu de faire ce job-là, tu t'en vas où avec ça? Pas de maison, t'as un char que. Hein, c'est toujours la même chose. Un maxima, ça fait, tu vas avoir combien de maxima avant de mourir? C'est pas la forme qui est importante, c'est ce que je vis dedans. C'est pas le travail que je fais avec ce qui rapporte qui est important, c'est ce que je vis dedans. C'est pas les chats, combien que j'en ai, parce que là, j'ai tout fixé ça à 84, là. C'est pas ça qui est important, c'est ce que je vis avec. C'est toujours ce que je vis avec. Moi, quelqu'un me dit, je veux m'acheter une auto, je lui dis tout le temps, qu'est-ce que tu veux vivre? C'est pas combien ça coûte. Combien ça coûte, ça? Ça coûte toujours quelque chose. Puis, en général, c'est toujours les banques qui décident, c'est pas toi qui décides. Quand c'est pas le contact, c'est les banques, hein? Puis pour un homme, quand c'est pas le contact, c'est sa femme qui décide. Moi, j'ai réglé ce problème-là. C'est le contact, pas de femme. C'est toujours les autres qui décident, oui. Anyway. Ça doit être féminin, un contact, de toute façon, j'imagine. Ça te parle doucement, ça te parle fermement, puis ça va te récupérer quand tu diverges de son opinion. C'est vraiment féminin, un contact, hein? Puis ça s'en souvient tout le temps de ce que tu n'as pas fait. Ça te le remet sur le nez. Ça, c'est... Ah, tu ne l'as pas fait? Donc, la manifestation du double, si je la rapproche aussi proche que le fait d'affirmer, c'est pour vous faire comprendre que tout ce que vous observez qui est paranormal, qui est en dehors de la norme, qui est une manifestation de l'esprit, qui est très occulté à l'ego, parce que l'ego, il cherche des vérités puis de la logique. Okay? Tandis que tout ce qui est dans l'esprit, ça peut être logique, c'est sûr que c'est intelligent, mais c'est surprenant. Une des particularités de l'esprit, c'est de vous surprendre. Mais je vous dis tout le temps, ça vous surprend dans la mesure que vous êtes logique. Moi étant, mettons, on va dire, profondément illogique, ça ne me surprend plus. T'sais, quand ils me font quelque chose comme m'envoyer une place, puis il faut qu'à cette place-là, je m'ajuste, je sais qu'eux autres, c'est comme une course de rallye. Là, t'sais, quand ils font des. Ils cachent des affaires dans des places, puis à telle place, ils vont dire. Comment ils appellent ça? Une indication. Là. Ils vont te donner une indication pour la. Ouais, des indices. Ils te donnent des indices. Fait que là, tu as des indices pour aller à la prochaine borne, ces choses-là. Ils fonctionnent un petit peu comme ça, eux autres. Fait que tu es toujours comme ça, un stress, là, tu sais. Tu es toujours comme sur l'ambiance du pas fini, là, tu sais, que tu n'en finiras jamais, là. Tu es toujours sous cet état-là. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, pour comprendre comment ça finit, c'est de ne pas donner d'importance à comment ça va finir. Là, c'est fini. Hein? Dans votre vie, si vous voulez un jour vous libérer de l'attente, ben vous avez juste à vous lever et puis dire, je n'attends plus. C'est aussi banal et simple que ça. Je n'attends plus. Je ne veux plus attendre. Je ne veux plus avoir à me projeter dans un futur que je ne connais pas. Fait que vous allez à ce moment-là comprendre ce que c'est vivre avec le double, parce que le double, ça finit pas. C'est toujours en développement, en évolution, puis ça. Fait que faut pas que tu saches où est-ce qui s'en va. Puis que tu donnes d'intention à ces forces-là parce que ça n'a pas de fin. OK? C'est clair? Mais des manifestations du contact, tu en as tout le temps. Puis si tu ne cherches pas la logique de ça, tu vas les voir tout le temps. C'est très comme un fleuve qui coule. C'est du mouvement, c'est ça, c'est un fleuve qui coule, puis tu suis à vague, puis tu te demandes pas qu'est-ce qu'il va avoir plus tard. Si je serais resté là, j'aurais-tu vu d'autres choses que ce que je vis là, puis papa. Faut simplement pas s'énerver avec le qu'est-ce que ça mène, puis où est-ce que ça va. Quand vous êtes confronté à vouloir savoir la raison des choses, là, vous tombez dans un labyrinthe incroyable de questionnements et de réflexions qui n'en finissent plus. Puis ils se servent de la réflexion. Savez-vous pour faire quoi? Une machine à laver, avez-vous déjà regardé comment ça marche? Avez-vous déjà eu un top en vitre ou un côté en vitre? Puis vous voyez de la. Ça tourne, hein? Blablabla, puis ils te brassent ça, puis ils mettent de l'eau, puis du savon, puis ils te brassent ça, puis ils te brassent ça. Puis si tu n'arrêtes pas la machine, hein, ça va brasser longtemps. Hein? Mais la réflexion, c'est ça. Tu es dans la machine à laver. Tu te fais laver par la réflexion. Ils te brossent, puis ils te brossent, puis ils te lavent, puis ils te nettoient. Puis si tu n'arrêtes pas la machine, à un moment donné, ils vont t'user le linge. Ils vont t'user, là, sans bon sens. Parce que de l'eau puis du frottement, ça finit que ça use. Hein? On est d'accord là-dessus. Fait que quand vous réfléchissez, que vous êtes dans un questionnement qui n'en finit plus, si vous n'arrêtez pas ça par une réponse, Parce qu'il y a juste une réponse hein, pour arrêter du questionnement. Questionnement, ça tourne en rond tout le temps. Mais là, si tu ne dis pas, c'est ça, il n'y a rien qui va arrêter. Rien, rien, rien qui va arrêter. Quand est-ce que vous voyez le double se manifester? C'est quand vous avez des questions sans réponse, qu'un jour vous dites, oh ben là, je ne sais pas où ce que ça mène, là, mais pour moi, là, c'est ça. Vous vous faites une ligne. Là, vous ne voulez pas savoir si votre ligne est meilleure que l'autre. Vous voulez être juste écœuré de cette réflexion-là, puis vous dites, là, moi, là, c'est ça. Les roulettes, là, tu sais, il y a des chiffres, là, puis ça va-tu tomber sur le 4, sur le 36, sur le 25, comme la roulette, là. Là, à un moment donné, écoute, gagne, gagne pas, là, moi, je le mets sur le 4. Là, ça tombe sur le 5. I don't give a fuck, je suis tanné, je ne veux plus rien savoir, j'ai tout mis sur le 4, je m'en vais. Venez de régler votre affaire. J'ai-tu gagné, j'ai-tu pas gagné, c'est plus ça l'affaire. C'est mettre un terme à l'atmosphère de réflexion. Toute manifestation du double est dans l'arrêt de la réflexion. Par l'affirmation. Parce que ce qui suit l'affirmation, c'est agir sur l'affirmation. OK? T'affirmes, tu dis, bon, ben là, moi, c'est ça, ça arrête. Puis là, t'agis dessus. Quand tu poses l'acte, tu vois ce que les forces font faire. Puis les forces sont ni dans le bien, ni dans le mal. Ils sont les deux. OK? Ça, c'est dur pour votre petite morale. Ils sont les deux. Faire mourir quelque chose d'excessif, c'est très bon. Un excès de coquerelle, on n'a pas de misère à faire mourir ça. Hein? Pourtant, un coquerelle, ça sert à quelque chose, parce qu'au Mexique, c'est plein. Toute votre vie, c'est un combat constant entre le bien et le mal, le vrai et le faux. Puis toute votre vie, vous allez avoir à trancher personnellement dans le bon et le mauvais, et dans le bien, et dans le vrai et dans le faux. Puis c'est toujours vous autres qui allez tracer la ligne. Puis c'est toujours à travers votre esprit que vous allez être bien, parce que votre ego n'arrêtera pas de se questionner à savoir si vous avez fait la bonne affaire. Vous allez faire des bonnes choses qui ne servent à rien, puis qui vous hypothèquent, donc qui vont le virer à des mauvaises choses bien faites. Vous allez vouloir faire le bien qui va faire le mal. OK? Puis là, à un moment donné, là, c'est comment qu'on démêle ça, là. Qu'est-ce qui est bien, puis qu'est-ce qui est mal? C'est-tu un chiffre? Non. C'est-tu la satisfaction d'un autre? Non. C'est toujours votre satisfaction, à un moment donné, dans un temps où vous avez fini de vivre une expérience. Prenez n'importe quelle expérience qui commence, tu ne peux pas arrêter une personne où ça commence. Tu peux arrêter quelqu'un quand c'est fini. Moi, en général, quand les gens viennent me voir, ils viennent me voir quand ils sont dans une fin d'étape. Donc là, quand je lui dis, tu vas changer toi cette année, c'est sûr, ils sont rendus à la fin. Mais je ne peux pas lui dire, quand tu commences, ouais, ça va changer. Je peux juste lui dire, ouais, tu es sur une grosse drive, là. J'ai hâte de voir ce que ça va mener. Vous voyez, il y a le langage qui va avec le « tu commences ou tu finis ». Mais vous autres aussi, quand vous faites des affaires dans la vie, puis que vous êtes une spin, là, puis que vous êtes dans une espèce d'obsession maudite de répéter, répéter, répéter, répéter, il faut en quelque part qu'il y ait quelque chose qui se passe en dedans de vous qui dit « bon, ben c'est-tu, je trace la ligne ». Ça, c'est des mouvements de l'esprit. Puis c'est quelque chose que vous n'avez pas à attendre des autres. Les autres, des fois, ils vont vous donner des espèces d'avertissements qui viennent du double puis qui viennent du contact. Vous allez voir même des événements qui vont vous avertir. Mais il n'y a rien comme vous autres qui va mettre la hache, qui va mettre la ligne, qui va dire « Ah, c'est ici que je commence, c'est ici que je finis, puis c'est ici que je continue, puis c'est ici que je développe, puis c'est ici que je ne développe plus. » C'est toujours votre contact qui va mettre un terme à quelque chose qui est dans une espèce de routine de l'ego. Tous ces mouvements-là où vous mettez une affirmation. Une affirmation, comme je vous ai dit, ce n'est pas une logique. C'est quelque chose qui se sent, qui vibre de la certitude, puis qui enclenche automatiquement une action. Parce que c'est très difficile d'affirmer sa vibration sans agir. Même je pense que c'est impossible. Parce que toute affirmation qui est sur le pitch, donc qui est sa vibration, va enclencher un mouvement. Puis toute affirmation qui ne vibre pas a zéro conséquence. C'est pour ça que je vous dis, ça n'a pas d'importance que vous disiez des choses qui soient écoutées par d'autres et qui ne soient pas vraies. Tu peux dire 250 bebelles, c'est dans l'affirmation qu'il y en a une qui va vibrer puis qui va avoir des conséquences, puis il y en a 249 que ça a zéro conséquence. Ça ne passera pas aux actes. T'sais, mettons que je dirais, je vais m'acheter une machine à broder, une quatre têtes. C'est déjà un projet que j'ai eu. Je le vibrais dans le temps que mon gars vendait des casquettes avec des logos. Puis quand j'ai arrêté de vendre ça, j'avais plus la vibration. Fait que j'étais juste le gars qui le supportait dans sa recherche, puis qui faisait des recherches avec lui pour pouvoir rencontrer des gens qui pouvaient faire de la broderie pour lui, puis connaître de quoi on parlait. Puis quand lui a lâché ça, je n'avais pas la vibration pour ça. Mais c'est un marché qui est payant un petit peu payé. Voilà. La personne qui est mise en vibration, des fois, elle fait des choses qui sont totalement illogiques. Puis si elle ne s'inquiète pas de l'aspect vrai ou de l'aspect fonctionnel ou dynamique de son affirmation, moi, je suis habitué de vivre avec... pour dire un peu l'originalité, la marginalité. Fait que déjà, je ne suis pas handicapé par le fait que ça ne marche pas. Je n'ai pas la peur que ça ne marche pas. Je n'ai pas la peur d'avoir de l'air fou. Puis j'ai pas la peur que les gens me jugent. T'sais, tout de suite en partant, j'ai bien des éléments qui me permettent d'agir sur quelque chose qui est simplement un feeling, comme le diraient certains. Puis de découvrir dans le feeling pourquoi je m'intéresse à ça. Moi, ce que je pense, c'est que vous autres, vous ne prenez pas d'intérêt à savoir où ça mène votre feeling, fait qu'à un moment donné, vous finissez tout le temps par avoir l'impression que vous faites des erreurs du point de vue de l'ego. Tandis que pour moi, il n'y a pas d'erreur. Il y a simplement un chemin qui mène à. Puis que, tu sais, quand tu dis, il faut que j'aille à l'est, puis là, tu prends un chemin qui t'emmène à l'ouest, puis qui finit par t'emmener à l'est, puis ça finit par être un raccourci en plus, mais que ça prend, je sais pas, ça prend 6 mois, 1 an, 2 ans avant de comprendre ça, que ça t'amène avantageusement à l'est en passant par l'ouest, il y a bien des égos qui ne sont pas capables d'y aller avec ça. Mais quand vous êtes capable d'affirmer en disant « je vais faire ça, je veux ça, j'achète ça », puis que c'est très affirmatif, puis que vous vous laissez passer à l'acte, tout ce qui ne peut pas se faire ne se fera pas. L'esprit va empêcher l'ego de faire des choses que vous ne contenez pas. Fait que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Tu sais, j'aurais beau dire, je vais m'acheter un Bentley, moi, là, ou un Rolls-Royce, là. La banque va me barrer. Ça, je sais, j'ai même pas besoin d'aller au garage pour ça. Tu sais, 250 000 d'auto, là, oublie ça. T'sais, fait que, je suis barré d'avance. Fait que, qu'est-ce que j'ai à perdre de dire, je vais m'acheter un Bentley, puis d'aller au garage, puis de demander au gars, je peux-tu l'essayer? Je vais te dire, si j'ai réussi à intéresser le vendeur à s'occuper de moi pendant 1 heure, c'est déjà un score. On est-tu d'accord sur le point? Mais là, on vous a dit, moi, je ne suis pas capable. Fait que, en disant, moi, je ne suis pas capable, vous vous privez de la possibilité de faire le mouvement, puis d'aller jusqu'à ce que les forces peuvent vous faire explorer dans ce mouvement-là. Il faut qu'il y ait un intérêt. C'est parce que là, tu vas te servir de l'action pour la vibrer, pour voir la vibration. C'est bien du chemin, ça, là. C'est bien du gaz. Moi, j'aime mieux personnellement, j'aime mieux le parler puis le vibrer là que de commencer à faire tout ce que la parole va me faire faire. Parce que tu as des situations où tu es gelé, on va dire, dans une situation, puis tu es mieux d'affirmer quelque chose et partir dessus, ouais. Puis d'aller chercher une vibration, c'est ça. Que de faire des constats que tu n'es pas capable. Ben, c'est parce qu'un constat, c'est limité par ta mémoire. Le constat, c'est une évaluation. C'est qu'il n'y a rien qui change. Ça va toujours rester pareil. Tandis que du moment que tu affirmes, il y a déjà une vibration, même si tu ne la sens pas, il y a une vibration qui se passe et qui commence à évoluer. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Tu peux affirmer et il ne se passe rien. Mais ça peut-tu amener à une autre? Mais en général, si tu affirmes, tu sais, je peux affirmer, je l'ai dit tout à l'heure, je peux affirmer 250 bebelles, puis il y en a juste une qui me met en vibration, puis 249 qui sont pas bonnes. Faut pas que ça vous épuise que vous vibrez rien. Parce que c'est le geste de se mettre dans le vide qui va permettre aux forces d'aller vous chercher dans le vide. Si vous ne vous donnez pas l'occasion d'être dans le vide, vous ne pourrez premièrement pas affronter vos peurs. Puis le gros travail des forces, c'est de vous faire vivre vos peurs, hein? C'est de vous amener à vous dépolariser, je l'ai dit tout à l'heure. Fait que si vous voulez avoir réellement une manifestation claire de l'esprit, il faut qu'il apparaisse un miracle dans votre vie, là. Un miracle étant quelque chose que vous n'auriez jamais pensé qu'il puisse se faire pour vous. Souvent, on accepte que ça se fasse pour les autres. Combien de gens qui me disent « Ah, mais toi, c'est pas pareil, toi, t'as le contact. » Ben oui, le contact. Et toi aussi, tu l'as, c'est juste que toi, tu l'as mis dans ton garde-robe, puis moi, je me promène avec, là, tu sais. Je l'ai sur le dos. J'ai toujours sur le dos. J'ai toujours le même linge, le contact. Toi, tu changes trop souvent. Tu comprends ça? Fait que la dynamique des gens est drôle parce qu'ils veulent un pouvoir dans l'affaire du contact, alors que le contact vient quand tu acceptes de ne pas avoir de pouvoir. Quand tu acceptes de ne pas avoir de pouvoir, c'est que tu acceptes d'être dans le vide avec plus aucune forme de contrôle de l'ego. Puis là, ça, ce fameux contact-là, là, il dit « Salut! Viens-t'en, je t'amène là. Hey, tu m'amènes où? Laisse faire, on va le voir. » Il faut que tu acceptes de te faire surprendre. Puis l'ego, il n'aime pas ça, se faire surprendre, parce que il dit tout à coup que tu déranges mes croyances, tu sais, ou tu déranges ma logique, ou tu déranges quelque chose. C'est juste ça, du contact, c'est du dérangement constant. Puis moi, je te le dis, ce qui est intelligent, c'est l'esprit. Ça sert de l'ego pour faire sa job de bras. Mais toi, tu voudrais que les bras soient la tête. Tandis que les bras, c'est juste les bras. C'est pas la personne qui exécute qui est le génie, c'est la personne qui conçoit. On est d'accord avec ça? L'ego, c'est les bras, c'est l'exécutant. OK? Puis le concepteur, c'est l'esprit. Fait que c'est le concepteur, faut que tu regardes. Ça, tu ne savais pas ça le matin, hein? En te levant le matin, là, je suis sûr que tu n'as pas eu des pensées comme ça. Tu viens de te surprendre, là. Ah ouais, c'est ça. Ça, je suis obligé de te dire, « Hey, Jacques, ça, c'est de l'esprit. » Si tu pourrais m'en faire une heure de même, je te mettrais en avant. Puis le moindrement que tu seras fier de faire ça, ça y est, tu perdrais le contact. C'est écœurant, hein? C'est dégueulasse. Il faut que ça soit toujours une surprise. Il faut que ça soit toujours le vide. C'est toujours « Wow! » Ben, c'est parce que l'ego, il cherche à relaxer. Lui, là. Il cherche à avoir une garantie de quelque chose. Le double... Ben, il veut faire passer de quoi? Toi, t'envoies une sonde sur Mars. Tu veux bien avoir un rapport de temps en temps de ce que le petit robot a fait? Hein? Les autres, on est des sondes, là. Okay. Sans ça. On est des sondes, pas de robots. Ah non, on est des sondes. On est des sondes dans la matière. Ils nous font faire des affaires, puis avec le matériel qu'on leur tourne, ben, ils font l'étude, puis ils corrigent le mouvement du robot. Puis, c'est fait vite, vite, vite, là, mais c'est fait. Comme là, on est dans le replay de l'Atlantide. Ce qui a fait sauter l'Atlantide, là, on est dedans, là. On est les âmes, bien souvent, surtout au Québec, là, qui viennent de l'Atlantide, là, qui ont fait des conneries dans ce temps-là, là, puis on est appelé pas à les réparer, là, mais à faire mieux que ce qu'on a fait. On a eu quelques milliers d'années là, pour se retourner, là, avec plusieurs incarnations, ça va de soi. Puis, c'est ça, on va voir comment qu'on veut. Le prochain apocalypse, ça peut être le fun. Comme ça peut être encore un astitergie de déséquilibre avec les renversements de pôle et tout le kit. Là. On a la science pour se détruire, mais on a la science pour se passer à travers aussi. Quand il me parle de la grippe aviaire ou de la patente, il me dit inquiétez-vous pas. Vous avez tout ce qu'il faut pour prendre des bonnes décisions, puis vous avez tout ce qu'il faut pour en prendre des mauvaises. La vie d'une personne, c'est toujours en fonction de comment elle écoute. Quand tu parles de comment elle écoute, c'est eux autres. Si sur ton état expérimental, est-ce qu'ils ont toutes les réponses? Ils ont toutes les réponses. Ils peuvent régler nos problèmes de pollution en 3 jours. Sur la planète, là, ce n'est pas long. Ils veulent qu'on le découvre. Mm-hmm. Pas qu'on le fasse. On n'est pas rendu au stage de le faire, on est rendu au stage de le découvrir. Ça, tout simplement. C'est parce que les gens réfléchissent beaucoup et qu'ils donnent beaucoup de valeur à leurs actes, qu'il n'y a pas de communication sur la planète. Mais si tu réunirais tous les génies dans un domaine donné ensemble, puis qu'ils se parleraient sans chercher à avoir le prix Nobel à la fin de l'année, ça serait transparent pas mal. Il y aurait bien des affaires qui se régleraient. Là. Moi, les doubles, ce que je trouve de le fun, c'est que quand tu es bien bouché, là, parce que tu es boqué, moi, je fais partie des tempéraments astrologiquement boqués, là, les signes fixes, verso. Puis quand on est boqué, là, ils nous servent plusieurs avertissements. Attention à ça, là. Attention à ça, attention à ça. Puis, c'est dur d'écouter. En fait, c'est pas écouter, c'est obéir. C'est dur d'obéir. Parce qu'il y a l'affaire d'agir sur l'affirmation, ça, c'est un bout qui est relativement facile. Mais après ça, c'est ajuster la direction. Puis ajuster la direction quand tu as passé aux actes. Parce qu'en général, un ego, il veut poser un acte, puis c'est one shot. Faut que ça marche du premier coup. Si ça marche pas, lui, il étudie plus, c'est fini. Je l'ai pas eu, fini. Touche pas à ça. T'as orgueilleux, hein, maudit. Tu peux-tu t'imaginer apprendre à faire des meubles sans faire de brindilles? Ou sans scraper une planche de chaîne qui vaut cher, là, ça vaut peut-être, je sais pas, 2,5 piastres du pied carré ou du pied, je sais pas trop. C'est impossible, hein? Tu peux pas imaginer pas faire de brindilles, tu peux pas imaginer manquer quelques morceaux. Mais l'ego, quand il est dans l'affaire de vouloir performer, il accepte pas l'ajustement. Il voudrait avoir ça, un coup. J'ai donné des cours de bourse à plein de monde, moi, peut-être 200-300 personnes. Puis la maladie que j'ai vue à travers tout le monde, c'est qu'ils ne voulaient pas perdre. Tu vas me dire, ouais, mais si on perd, on n'en fera pas longtemps de la bourse. Si tu perds puis que tu apprends, tu vas perdre moins, puis une année, tu vas perdre moins, puis une année, tu ne perds plus, parce que tu as appris à perdre. Non, le monde, ils veulent l'avoir clang, comme ça. Après ça, si on ne l'a pas, c'est fini, c'est pas bon. Brrr. Ça ne marche pas de même. Le double, c'est un constant ajustement. Il te fait faire telle chose, puis il te corrige, puis il te corrige, puis il te corrige, puis il te corrige. Il faut accepter de se faire corriger. Il faut accepter de se faire dire que si ça, ça ne marche pas, c'est à cause que toi, tu n'as pas fait quelque chose. Comme, en d'autres termes, ça revient tout le temps à ne pas les écouter. Tu ne nous as pas écoutés. Mais, tu sais, pas écouter, qu'est-ce que ça donne comme conséquence? C'est incroyable. T'en reviens pas. Moi, des fois, je dis des affaires du monde. Je dis, hey, écoute, si tu fais ça, là, tu vas en avoir 3-4 ans à endurer ça. Il écoute pas. Si 3-4 ans plus tard, tu avais raison. Comment crie-tu d'avoir raison? Tu aurais sauvé 3-4 ans. Hein? Ils peuvent pas s'en sauver. Ils sont pas capables de vivre l'ajustement. C'est impossible. T'sais, se faire ajuster par quelqu'un qui est sur le contact. Moi, des fois, il y en a du monde qui sont sur le contact. Puis il y en a une, t'es claire. Elle est en train de me poser des questions. Je dis, affirme. Puis à un moment donné, elle dit, elle me téléphone, elle dit, j'étais dans la douche, elle dit, viens de me dire de quoi. C'est rare qu'elle dit, j'ai le téléphone, mais elle dit, là, je l'ai, là. Elle dit, tu me diras si c'est de l'affirmation. Ils me disent qu'on a assez de conscience pour faire la fonction qu'on fait. On n'est pas obligé d'avoir la conscience que tu as. Ah, je dis, ça, tu viens de faire ma journée. Je dis, tu me devais 30 piastres, je ne me le devais plus. Elle dit, juste pour une phrase? Je dis, ben oui. Elle dit, c'est payant. Elle dit, tu vas t'en trouver d'autres. Ça, c'est son égo qui est revenu sur la ligne. Mais c'était sur le contact, ça, là. Puis c'est vrai, ça change tout mon tracking, ça. Vous avez tout assez de conscience pour la fonction que vous avez. Vous n'avez pas besoin d'avoir ma conscience. Vous ne seriez pas capable de vivre d'informe que vous êtes. C'est une personne, m'en est, ça y a. Elle a affirmé quelque chose, elle était dans la douche. Oui, elle a dû dire pour elle, parce qu'elle dit tout le temps les affaires pour elle. Elle a dû dire, j'ai assez de conscience pour la fonction que j'ai, moi, là. C'est qu'elle téléphone-moi plus là-bas. À ce temps-là, tu n'as assez de façon de parler. Mais moi, c'est comme écouter ça, puis dire que c'est au même niveau que ce que ça parle quand ça me parle. C'est l'équivalent de s'ajuster, ça, là. Moi, pour moi, c'est pas de l'ajustement, parce que je vis tout le temps là-dedans. Là. T'as dit, quand c'est intelligent, c'est intelligent. Je fais pas de hiérarchie là-dedans. Là. Quand c'est intelligent, c'est intelligent. Il n'y a pas de hiérarchie. Fait que, mais il y a eu pendant un bon bout de temps, qui se prenait pour me dire des affaires de même, tu sais, puis pop, pop, pop. Fait que, tu sais, je prenais pas les ajustements, là, quand ça venait comme ça, là, dans un dépanneur ou au restaurant ou dans un magasin, là. Moi, c'est rendu que je vois de l'intelligence partout, là. Je parlais avec un gars de moto, là, puis il filait le gars, tu sais, comme un vendeur qui n'a pas le goût de travailler, là, puis qui a le goût de s'occuper d'un chum, là, qui dit « Moi, je suis à ta place, j'achèterai pas ça, j'achèterai ça, parce que ça, tu vas te casser la gueule avec ça, tu sais. » C'est pas un vendeur qui te parle de même, là. Mais je voyais ça comme de l'esprit qui passait par la personne, puis qui me dit « Reste là-dessus. » Puis c'est ce que les forces me disent aussi, fait que c'est comme... c'est parce que je suis boqué, ils servent de quelqu'un d'autre pour me le dire, quelqu'un à qui je donne beaucoup de crédit parce qu'effectivement, il connaît son affaire. Donc, je suis correct pour au moins une semaine, là. Parce qu'en quelque part, je vais pogner ma marotte de boqué, là. Mais ils m'ont envoyé un message à travers quelqu'un. Puis il faut que j'écoute, tu sais, puis je sais, il faut que j'écoute. Je vais écouter aussi, mais c'est comme, j'aime ça être délinquant, tu sais, mais j'écoute. Fait que si vous êtes capable de vous faire ajuster par d'autres, par les événements, à travers de la communication, on vous dit que ça va aller vite, l'affaire de la conscience. Ça va tellement vite, d'ailleurs, qu'à un moment donné, tu finis que tu vois les vies, là, tu te dis, gang de malades, comment ça fait que vous faites une vie aussi brainwashée que ça dans la société? Moi, des fois, je regarde le monde, là, ce speed dans lequel ils vivent, puis les peurs qu'ils ont de ne pas manger, puis de ne pas vivre, puis de mourir, puis de ça, là, peur de ne pas avoir d'ouvrage, peur de ci. Qu'est-ce qu'il m'a expliqué par rapport au travail? Tu auras toujours le travail qui va donner ta subsistance selon ce que tu as à vivre. S'il faut que tu meurs, tu meurs. T'sais. De faire mourir, de crever de faim, mourir en tombant en bas d'un sixième étage, quand c'est ton heure, c'est ton heure. Okay? Mais vous n'avez pas à vous inquiéter de votre subsistance. Ils vont toujours vous mettre en vibration pour être à la bonne place au bon moment. Mais là, nous autres, on s'inquiète. On s'inquiète. Parce qu'on regarde la vie en fonction de notre mémoire. J'ai pas fait ça, donc je peux pas avoir ça. Alors que ça n'a aucun rapport. C'est laisse-les faire. Ils vont te faire faire ce qu'il faut que tu fasses pour avoir ce que tu as besoin.